بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، نستأنف دروسنا في هذا الكتاب أو من هذا الكتاب، ووصلنا إلى باب جديد، ألا وهو: ومن أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء. نعم، هذا باب عظيم، إن شاء الله سنمر به باختصار وإيجاز إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذكر النقاط المهمة في هذا الباب أو في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc mes frères, on reprend les cours إن شاء الله sur lesquels on s'est arrêté. Nous rentrons dans un nouveau chapitre qui s'intitule Parmi les signes distinctifs des gens de la Sunna, c'est qu'ils sont entre l'exagération et l'éloignement ou la dureté. C'est-à-dire ils sont sur une voie de juste milieu. Non, on verra إن شاء الله que c'est un des signes les plus distinctifs et les plus notoires des gens de la sunna par lequel ils se distinguent des gens de l'innovation. يقول المؤلف من علامات أصحاب منهاج النبوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط في جميع شأنهم. Donc il dit: parmi les signes des gens qui se réclament de la voie prophétique, les suiveurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils sont dans une position intermédiaire, dans une position de juste milieu, entre l'exagération, d'une part, et d'autre part la dureté, ou bien dans l'excès et le laxisme, entre l'excès et le laxisme. Et ceci dans l'ensemble de leurs affaires, que ce soit dans leurs affaires religieuses, ou que ce soit dans leurs affaires mondaines, comme on va le voir, inshallah, ou tabaraka wa ta'ala. Thumma yaqul, fa inna min khasa'is al-islam, al-i'tidal wa al-tawazun, wa al-istiqamatu min ahammi ma'alim al-din, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-makhdubi alayhim, wala al-dallin. Certes, parmi les particularités de l'islam, il y a ce qu'on appelle la pondération. Vous savez ce que signifie la pondération? C'est le fait d'équilibrer les choses, de pondérer les choses. Vous avez une balance avec deux plateaux, et un des deux plateaux penche plus que l'autre. Donc, pour pondérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du poids sur l'autre plateau de la balance afin qu'elle s'équilibre au final. C'est ce qu'on appelle la pondération. En arabe, on appelle ça « el-i'tidal wa tawazun ». Donc ici, l'auteur du livre dit « Certes, parmi les particularités de l'islam, il y a la pondération et la juste mesure. Et la droiture est un des jalons les plus importants de la religion. Allah le Très-Haut a dit « Guise-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés ». Donc nous voyons à travers cette sourate, sourate al-Fatiha, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de suivre une voie intermédiaire. Une voie intermédiaire entre celles qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont les juifs, et tous ceux qui s'apparentent à eux. Et d'un autre côté, la voie des chrétiens, des égarés, et tous ceux qui s'apparentent à eux. Donc l'islam mais sur une voie de juste milieu entre ces deux extrêmes. Déjà, rien que dans le Fatiha, dans l'ouverture du livre, on a cette notion de al-wasatiyya, de pondération ou de juste milieu. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى اسمعوا جيدا وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قصد السبيل وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة قاله من قاله. C'est une parole très importante. Ibn al-Qayyim dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce chemin droit auquel Allah le Très-Haut nous enjoint de suivre, c'est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, et il constitue le chemin du juste milieu, et tout ce qui sort de ce chemin fait partie des voies inéquitables, quoi qu'en disent les gens. Donc ici, Ibn al-Qayyim met le doigt sur quelque chose de très important. Car chaque personne se réclame d'être modéré, d'être sur une voie de juste milieu, d'être loin des extrêmes. Non. Chaque personne prétend ceci. Alors quel est le critère, quelle est la base, quel est le socle ou le critère du jugement qui va nous permettre de savoir qui est sur le juste milieu et qui ne l'est pas? Si vous voyez par exemple ceux qui sont laxistes dans leur religion, ils diront des gens de la sunna qu'ils sont à l'extrême, qu'ils sont trop durs, qu'ils exagèrent. Et si vous demandez à ceux qui exagèrent dans la religion, comme El Khawarij, ils diront que les gens de la sunna sont trop laxistes. Ils sont trop laxistes dans la religion, ils font preuve de tasahul. Alors quelle est la base sur laquelle on doit juger? Comme ici le dit ici Ibn al-Qayyim, il dit cette base-là, cette voie de juste milieu, c'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons. Comme nous l'avons montré à travers ce livre, depuis le début de nos cours. Voilà la voie de juste milieu. C'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ou autrement dit, c'est la voie prophétique. Donc ça, c'est très important à comprendre. Si une personne de bien vient polémiquer avec vous, en disant vous êtes trop dur sur la religion, vous lui dites tout simplement, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si moi je suis le prophète et tu me dis que je suis trop dur, c'est comme si tu disais que le prophète était trop dur dans sa religion. Et à l'opposé, si des personnes critiquent les gens de la sunna comme étant trop laxistes, alors c'est comme si indirectement ils disaient que le prophète était trop laxiste par rapport à ses faits et gestes et ses paroles vis-à-vis de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris? Non. Donc voilà la base, voilà la référence. C'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus loin, l'auteur dit فَالْمِزَانُ الَّذِي تُعْرَفُ بِهِ الْإِسْتِقَامَةُ عَلَى الْتَّرِيقِ وَالْجَوْرُ عَنْهُ هُوَ مَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ. C'est ce que je disais à l'instant. La balance et le critère par laquelle la droiture sur la voie droite est reconnue en tant que telle ou non est la voie sur laquelle était l'envoyé d'Allah le sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Donc ça, Inch'Allah, il faut que ça soit clair, mes frères. Sinon, le cours, vous n'allez pas le comprendre. Non. Un peu plus loin, la page d'après. يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ اسْمَعُوا جَيِّدًا هَذِهِ قَاعِدَةً وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ النِّحَلِ كَمَا أَنَّ أُمَّةَ الْإِسْلَامِ وَسَطٌ بَيْنَ الْمِلَلِ وَلَمْ يُصِبِ الشَّيْطَانُ مِنْهُمْ شَيْئًا بِغُلُوٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَغَيْرُهُمْ مُتَوَغْرِطٌ فِيمَا تَوَغْرَطَ فِيهِ مِنْهُمَا. Les gens de la sunna sont sur une voie de juste milieu entre les sectes. Ça, on va l'expliquer, Inch'Allah, c'est très important. Les gens de la sunna, lorsqu'on voit leur voie qu'ils suivent, le chemin qu'ils empruntent, on voit qu'ils sont sur une voie médiane par rapport à toutes les sectes de l'islam. Il en est de même de la religion de l'islam. De manière générale, elle se trouve sur une position intermédiaire et médiane entre toutes les autres religions. Je répète la parole. Il dit, le mu'allif, les gens de la sunna sont sur une voie de juste milieu entre les sectes. Comme la nation de l'islam est sur une voie de juste milieu entre les religions. Et Satan, Shaitan, ne peut les toucher par de l'exagération ou de la défaillance. C'est-à-dire les gens de la sunna. Quant aux autres, ils sont impliqués dans une de ces deux choses, à plus ou moins grande échelle. On verra que les gens qui ont adopté des voies extrêmes, à plus ou moins grande échelle, n'ont été touchés au fait que par Shaitan. Et c'est une ruse de Shaitan. Et on verra que Shaitan utilise ces deux voies-là, c'est-à-dire pousser la personne dans l'exagération ou alors dans le laxisme au contraire. Et peu importe pour lui. Au final, Shaitan, son but ultime, c'est d'égarer la personne de la voie droite. Qu'il l'égare dans l'exagération ou dans le laxisme, peu importe. Pourvu qu'il atteigne ses objectifs et qu'il arrive à ses fins. اسمعوا ماذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى من أئمة الكبار، من أئمة المسلمين، من أهل السنة والجماعة، يقول هذا الإمام: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. الإمام الأوزاعي قال لي فاس ميزيريكورد أدي il n'y a pas un ordre qui a été ordonné par Allah le Très-Haut sans que Shaitan ne s'y oppose par deux choses. Peu lui importe laquelle de ces deux choses atteindra son objectif. L'exagération et la deuxième, la négligence. Ça, c'est la parole de l'imam al-Awza'i. Vous voyez bien que les salafs, déjà, ils avaient très bien compris ce principe de l'wasatiyya, ce principe de juste milieu et les dangers de toute personne qui s'y écarte. الإمام الأوزاعي، je vous le rappelle, c'est un contemporain de l'imam الشافعي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. Et je vais vous le traduire petit à petit ce hadith. D'après عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه qui a dit: l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a tracé une ligne par terre avec son doigt sur le sable. ثُمَّ قَلْ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ. Le prophète, après avoir tracé cette ligne droite, il l'a montré du doigt, il l'a pointé du doigt, et il a dit: voici la voie d'Allah. صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ نَعَمْ يُوَسِّلُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. Elle vous mène directement au paradis. ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ قَلْ هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Donc ici, Ibn Mas'ud dit: puis après avoir tracé cette ligne droite, le prophète a tracé de part et d'autre de ce trait ou de cette ligne plusieurs traits à sa droite et à sa gauche. Et il a dit en les pointant du doigt: voici les voies d'égarement, les voies d'égarement qui viennent se séparer de la voie droite. Et à chacune de ces voies-là, il y a un démon qui appelle à elle. Nous avions déjà évoqué ce hadith. Nous avions dit que il y a plusieurs voies d'égarement, mais il n'y a qu'une seule voie de la vérité. Al-haqq wahid wa ad-dalal muta'addid. Ad-dalal muta'addid. Lahu ashkal wa suwar wa awjuh muta'addida. Amma al-haqq la yata'addad abadan. La vérité, elle ne se multiplie pas. Elle ne se fractionne pas. La vérité est une. C'est la voie que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, on est une preuve. Par contre, les voies d'égarement, elles sont multiples. Elles sont multiples et nombreuses. La voie des passions, la voie des ambiguïtés religieuses, la voie des innovations, etc., etc., etc. Donc le prophète a dit: à chacune de ces voies d'égarement, il y a un démon qui appelle. Et dans une autre version du hadith, chaque démon dit: ya Abdallah, ta'ala, ya Abdallah, ta'ala. Oh, envoyé, oh, serviteur d'Allah, viens vers moi, viens vers moi. Il te pousse à suivre cette voie d'égarement. Le prophète a lu, après avoir fait ceci, a lu le verset coranique suivant. ثُمَّ قَرَأَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. نعم. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a lu ce verset coranique où Allah dit: et ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les voies qui vous écarteront de son chemin. Ce hadith, bien sûr, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmad wa Darimi wa Ibn Abi Asim wa Ibn Hibban wa ghayruhum, hadithun sahih. طيب. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي التفريط والإفراط. Ça aussi, c'est très important à comprendre. L'auteur du livre nous dit, à la suite de ce verset, à la suite de ce hadith, il dit: le chemin droit, intrinsèquement, il renferme le sens de quoi? De l'khayriya, c'est-à-dire la suprématie et la faveur qu'a cette voie-là sur toutes les autres. Al-fadlu wal-khayr, al-khayriyatu wal-fadl ala sa'iris subul. Et cette voie-là, elle se situe entre ces deux extrêmes, qui sont l'exagération d'une part, et de l'autre, et d'autre part, le laxisme et la négligence, ou la nonchalance, comme on va le voir. Vous avez compris ça? Donc cette voie droite-là, c'est la meilleure des voies qu'Allah nous a tracées. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de votre communauté une communauté de juste milieu. Donc si Allah a fait de cette communauté une communauté de juste milieu, c'est une preuve claire et nette que c'est la meilleure. Non, car Allah veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعترضا بتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسلوكه. ابن القيم nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde. La réalité en ce qui concerne la haute considération à adopter envers les ordres et les interdits réside dans le fait de ne pas les opposer à quoi? À une facilité laxiste et non plus par une exagération exacerbée. Ce qui est voulu, c'est le chemin droit qui mène vers Allah en cheminant dessus. Donc lorsqu'un ordre religieux vient de la part d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un interdit religieux de la part d'Allah ou du prophète, il ne faut pas faire preuve ni de laxisme par rapport à ceci, ni d'exagération. Non, les frères, mais ce qui est voulu, comme le dit Ibn al-Qayyim, c'est de cheminer sur la voie du prophète, qui est la voie de la modération, de la pondération et du juste milieu. وَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ. Allah le Très-Haut n'a pas ordonné une chose sans que Satan s'y oppose par deux insinuations. Un nazra en arabe, c'est des mauvaises suggestions ou des mauvaises insinuations que Shaitan nous insuffle à l'oreille. C'est ça le nazra en arabe. Donc Allah n'a pas ordonné une chose sans que Shaitan s'y oppose par deux insinuations. Il viendra vers le serviteur en lui disant deux choses. Ou bien il va le pousser à un manquement et à un laxisme et une négligence par rapport à cet ordre divin, ou bien il va le pousser à l'exagération, à l'outrepassement, à l'excès, au dépassement de la limite qui a été légiférée et instaurée par Allah tabaraka wa ta'ala. Dans les deux cas, c'est blâmable. Naam, que tu sois dans cet extrême-là, ou dans l'autre extrême, c'est blâmable. Et les deux, ces deux choses-là, sont appelées dans la religion at-tatarruf. At-tatarruf, ça veut dire l'extrémisme. Que ça soit dans la négligence, ou que ça soit dans l'exagération, les deux sont appelés extrémisme. Pourquoi? Parce que tu es sur les extrêmes, tout simplement. Et qu'on t'a demandé d'être sur la voie de juste milieu, la voie médiane ou la voie intermédiaire. Donc, Shaitan viendra à toi avec ces deux mauvaises insinuations. Il va te pousser à ça ou il va te pousser à ça. Et Shaitan, avant d'aller vers le serviteur, il va flairer les cœurs des serviteurs. Il va voir, est-ce que le cœur de cette personne est plus propice à la négligence ou alors est-ce qu'il est plus propice à l'exagération? Et il va l'attaquer par ce biais-là. Il va le travailler et il va l'emmener là où il pense qu'il va chuter, d'une chute qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus notoire. Donc il dit, l'auteur il dit, il va venir avec lui avec ces deux insinuations mauvaises, un manquement et un laxisme ou bien une exagération et un excès. Et peu importe, peu lui importe par laquelle de ces deux choses il aura le dessus sur le serviteur, peu importe par laquelle il aura le dessus sur lui, au final Shaitan, qu'est-ce qu'il souhaite? L'égarement de cette personne. Que tu t'égares dans l'exagération ou que tu t'égares dans le laxisme, peu lui importe, tu es sorti de la voie droite. Donc s'il va essayer la première méthode, s'il voit que ça marche pas, il essaiera la deuxième. سَيَبْذُلُ الْجُهْدَ كُلَّ الْجُهْدِ فِي إِدْلَالِ الْعِبَادِ. Rappelez-vous ce que dit Allah dans le Coran. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شيطان est pour vous un ennemi déclaré, il faut le considérer comme tel. Ne pas le prendre comme un ami, ne pas sous-estimer sa ruse, mais le prendre comme un vrai ennemi. Et ça veut dire quoi? Ça implique quoi ça, mes frères? Prendre Shaitan comme un vrai ennemi, c'est connaître ses ruses afin de les éviter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vers le cœur de la personne, il va sonder son cœur. Il va flairer son cœur. كما يقول المؤلف يقول فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشمه il va flairer le cœur de la personne. Est-ce que cette personne là elle est enclinte à la négligence, ou plutôt elle est enclin à l'activisme, aux efforts? Donc il va tâter un petit peu le terrain. ثم يقول فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. S'il voit en lui, s'il trouve des manquements en lui, une nonchalance, une négligence par rapport à ses actes religieux, par rapport à sa religion, un abattement, il viendra à lui par ce biais-là, par le biais de la négligence. Il lui dira quoi? Reste tranquille. La religion, c'est une facilité. Allah a rendu la religion facile. Regarde les ceux qui sont dans l'égarement. Toi, tu n'es pas comme ça. Et il viendra aussi avec d'autres choubohats en disant, regarde, Allah a pardonné une personne le jour du jugement qui a seulement dit « La ilaha illallah ». Pourquoi tu vas te casser la tête à faire toutes sortes d'actes d'adoration alors que tu es muwahid, tu es sur le tawhid? Il viendra comme ça. Et au final, la personne, elle va croire en ce que lui insuffle le shaitan. Et elle va dire, c'est vrai, je ne suis pas dans une situation si mauvaise que ça. J'ai encore un espoir d'être sauvé. Je suis muwahid, je ne fais pas de shirk. Inch'Allah, Allah il va me pardonner. Même si j'ai des manquements, Allah me pardonnera. Et il est rentré dans la porte que shaitan lui a ouverte. Et ça va aller de pire en pire s'il se laisse aller dans cette voie-là. Donc il le découragera, Shaitan il va le décourager, il le motivera à rien faire. Il le frappera par la fainéantise, la nonchalance et la négligence et il lui ouvrira la porte de toutes les mauvaises interprétations qui viendra justifier ses négligences, de l'espoir et d'autres choses de ce genre-là. Naam, il espérera en Allah, d'accord? Alors que Hassan al-Basri a dit, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Hassan al-Basri a dit, la foi, elle n'est pas caractérisée par des souhaits que tu souhaites. Oh, je souhaite aller au paradis, je souhaite avoir ceci et cela, je souhaite qu'Allah me fasse miséricorde, et puis qu'à côté tu ne fasses rien. La foi, ce n'est pas des souhaits. وليس بالتحلي non plus. Ce n'est pas une parure que tu montres aux gens. Mais la foi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est ancré dans ton cœur et que tes actes viennent justifier et prouver. C'est ça la foi, mes frères. C'est une croyance dans le cœur et qui est prouvée, qui est justifiée, qui est affirmée par tes actes. Donc au final, il va lui embellir toute chose et il va le dissuader d'agir. Jusqu'à ce que le serviteur délaisse ses obligations religieuses en globalité, comme on l'a déjà vu. Comme c'est quelque chose qui est connu. Donc il l'a attaqué par son point faible. وإن وجد عنده حاضرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. Je vais déjà vous traduire ceci. Par contre, s'il trouve en lui de la méfiance, de l'activisme, de la volonté, ainsi qu'un réveil, النهضة, c'est quelqu'un qui est alerte, qui est toujours prêt à faire les choses pour Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, il est motivé. Et que au final, Shaitan désespère de l'égarer par la porte de la négligence, mais du laxisme. Il voit que par ce biais-là, il n'aura aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui ordonnera de faire plus d'efforts que ce qui est demandé. Et il va lui insinuer que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Naam, mes frères. Il lui dit, en gros, tu veux agir? Tu veux faire? Tu veux plaire à Allah? fait encore plus que les autres. Il va essayer au final de lui faire dépasser les limites qu'Allah lui a instaurées pour qu'il sorte de la voie du juste milieu et de la pondération. Naam. Regardez ce qu'il va lui dire. وَسَوَّلَ لَهُ أَلَّا يَكْفِيكَ. Il va lui dire au final, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas suffisant. Tous tes actes d'adoration que tu fais, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu rajoutes. هَكَدَ يَأْتِي. وَهِمَّتُكَ فَوْقَ هَذَا. Ta himma, ta volonté, elle est au-dessus de ça. Ce que tu fais, ce n'est pas suffisant. Tu dois faire plus. Ton souci pour la religion, il est au-dessus de ça. Regardez comment il lui embête les choses. Comme il a trompé notre père Adam en lui disant, « Et sais-tu pourquoi Allah t'a interdit de manger de cet arbre ?»« Naam, car si tu manges de cet arbre, tu auras la vie éternelle et tu auras un royaume immense. » Il ne lui a pas dit, « Mange. » Il lui a embelli la chose. Jusqu'au final, Adam a été trompé par son insinuation. C'est la même chose ici. Il viendra par toutes sortes de belles paroles qui vont faire en sorte que tu vas être motivé à faire encore plus. Il est en train de le gonfler. Une personne comme toi, il convient qu'elle fasse plus que les autres. Et lorsqu'ils dorment, toi tu ne dors pas, tu ne dois pas dormir. Et eux quand ils rompent le jeûne, toi tu ne dois pas le rompre. Subhanallah, regardez bien. Et eux quand ils sont enclins à la paresse dans leurs actes d'adoration, toi tu ne dois pas être comme ça. وَإِذَا غَسَلَ أَحَدُهُمْ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثَ مَغْرَاتٍ فَغْسِلْ أَنْتَ سَبْعًا. Lorsque l'un d'entre eux lave ses mains et son visage trois fois pour faire les ablutions, فَغْسِلْ أَنْتَ سَبْعًا. Toi, tu les laves sept fois. Ne t'en tiens pas à trois fois, mais sept fois. وَإِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاغْتَسِلْ أَنْتَ لَهَا. Et lorsque eux, ils font les ablutions pour la prière, toi, tu fais un bain rituel, les ablutions majeures. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْإِفْرَاتِ وَالتَّعَدِّي. Et toutes sortes de choses qui font partie de l'exagération et de l'outrepassement ou de l'excès. فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْغُلُوِ وَالْمُجَاوَزَةِ وَتَعَدِّي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ كَمَا يَحْمِلُ الْأَوَّلَ عَلَى التَّقْصِيرِ دُونَهُ وَأَلَّا يَقْرَبَهُ. Donc, il pousse cette personne a l'exagération ainsi qu'au dépassement et à l'outrance par rapport à la voie droite. Comme il a poussé la première catégorie à la négligence par rapport à cette voie-là et afin qu'il ne s'en rapproche pas. Que ça soit de cette façon-là ou de l'autre façon, on tombe dans un extrême qui est blâmable, réprouvable et interdit au regard des textes religieux. Quelles sont les preuves de ceci dans le Coran? Quelles sont les preuves qui nous prouve ou qui nous montre que l'exagération ou la négligence sont des choses blâmables et que la voie du juste milieu est la voie qu'Allah a agréée pour nous. طيب. يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. غير الحق, s'opposant à la vérité. نعم. Effectivement, les chrétiens ont exagéré dans leur religion, notamment concernant le prophète qu'ils suivaient, c'est-à-dire Isa ibn Maryam. Ils ont exagéré en la personne de Isa ibn Maryam jusqu'à ce qu'ils l'ont divinisé. Ils l'ont pris comme une divinité adorée en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam. Wala taqulu thalatha. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. Certes, on mécrut ceux qui ont dit Allah est le Messie, fils de Maryam. Et dans un autre verset, c'est le verset suivant, Allah dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Certes, on mécrut ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois, la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ces chrétiens, ils en sont venus à diviniser Isa ibn Maryam. ils ont exagéré en la personne du prophète Isa ibn Maryam alayhi salam. Hein? Donc Allah leur dit, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum ghayr al-haq. N'exagérez pas dans votre religion en s'opposant à la vérité. Pareil, parmi les preuves qui nous prouvent qu'Allah agrée le juste milieu, pas seulement dans la religion, mais aussi dans les affaires mondaines. يقول الله تبارك وتعالى ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Allah dit, implorez votre Seigneur en toute humilité et secrètement, certes il n'aime pas ceux qui outrepassent les limites de sa législation. إنه لا يحب المعتدين. يعني من آداب الدعاء أن نلتزم بأدعيات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه. Parmi les règles de bienséance dans les invocations, il y a le fait de s'en tenir aux invocations du prophète صلى الله عليه وسلم. Le fait d'invoquer Allah comme le prophète le faisait صلى الله عليه وسلم, en levant les mains, tous les comportements adoptés s'appliquant aux invocations. Il y a aussi le fait de ne pas demander des choses qui sont impossibles. Non, on ne demande pas à Allah, par exemple, de devenir prophète. Ou de demander à Allah qu'il lui fasse connaître l'invisible. D'accord? Ça fait partie des ta'addi, ça fait partie de l'outrepassement ou l'exagération dans la dua. Donc Allah, il nous met en garde ici, en nous disant, même dans les dua, faites preuve d'humilité et faites dua en secret. Naam, entre vous et Allah, tabaraka wa ta'ala. Et n'outrepassez pas les limites. Naam, les frères. Wa kazalika yaqulu Allahu jalla wa ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadagru'an wa khufya wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudumi wal-asal wa la takum min al-ghafilin. Et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix. À mi-voix, ni trop haut, ni trop bas, mais une voie de juste milieu. En début de journée et en sa fin, ici en début de journée, c'est le temps entre Salat al-Fajr wa al-Shuruq. Et en fin de journée, entre l'Asr et l'Maghrib. On va y revenir, Inch'Allah, à la fin du Dars. Ce sont les meilleurs moments pour invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Il fait partie de la négligence ou de l'insouciance, justement, de ne pas se conformer à ces règles de bienséance lorsqu'on invoque Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam. Donc ne pas dépasser, ne pas faire preuve non plus d'insouciance et de négligence. Taïb. Yaqulu Allah jalla wa ala, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha, wa abtaghi bayna dhalika sabila. Et dans ta prière, ne récite pas à voix haute et ne baisse pas non plus trop le ton, mais recherche le juste milieu dans la récitation de la prière. Ne pas lire à voix haute, afin que tout le monde t'entende et que tu puisses déranger les personnes autour de toi, et ne pas aussi lire dans sa barbe, comme on dit. Mais avec une voix intermédiaire, médiane, ceci, bien sûr, est plus propice pour l'humilité et la dévotion dans ta récitation. Et enfin, يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. En parlant des prophètes de la famille de Zakaria wa Yahya et les autres, Allah dit sur eux, ils s'empressaient de faire le bien et ils nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. L'amour est à l'opposé, la crainte. Ne pas faire prévaloir un sur l'autre. Ne pas invoquer Allah que par amour, en fermant les yeux sur le châtiment d'Allah. Et ne pas invoquer Allah que par crainte, en oubliant la miséricorde d'Allah. Mais il faut joindre les deux et avoir une position médiane. Donc vous voyez tous ces versets, mes frères, ils prouvent quoi? Ils prouvent que le musulman, dans toute chose, que ce soit les choses de sa religion ou les choses mondaines, il doit toujours avoir une position intermédiaire. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. طيب. Un peu plus loin dans le livre, يقول المؤلف وَالْغُلُوبُ نَوْعَانَ. L'exagération, elle est de deux sortes. Donc c'est la page 351, en haut du livre. يقول نَوْعٌ. يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي. Il dit la première catégorie, elle va le faire sortir de son statut de personne obéissante ou dans la légitimité, comme le fait qu'il a rajouté une unité de prière. Au lieu de prier 4 raka'at pour le dhuhr, il a prié 5, il a voulu faire bien. Allah, Shaitan lui a embelli ses actions, il lui a dit rajoute des raka'at, tu auras plus de récompenses. Non, il en a fait 5. Dès qu'il a fait 5 prières en voulant se rapprocher d'Allah par ceci, il est sorti du statut de personne obéissante. Non ? Car la personne qui est obéissante, c'est celle qui s'en tient à ce qu'Allah lui a légiféré. Ni plus, ni moins. Non ? Je vous rappelle, hein, il me vient en tête un récit qui a eu lieu à l'époque de l'imam Malik. Un homme est venu questionner l'imam Malik, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, qui était à Médine. Et il lui a demandé, que penses-tu si je me mets en état de sacralisation auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu al-imam, la taf'al, ne le fais pas. Bal ahrim 'inda al-miqat. Mais mets-toi en état de sacralisation à la station al-miqat dhul hurifa. Mada qala hadha ar-rajul? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit هذه أميال أزيدها. La différence c'est quoi? C'est quelques kilomètres en plus. Est-ce que Allah il va me châtier pour ça? Regardez comment il polémique les gens qui ont un cœur voué à l'égarement. Vous savez ce qu'il lui a dit l'imam Malik, rahimahullah tabaraka wa ta'ala? Allah te châtiera pas par le fait que tu as rajouté des kilomètres, mais Allah te châtiera par le fait que tu as contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hakaza kana salafuna salihin. Nam fahimu nusus al-shari'a haqq al-fahm. Ils ont compris les textes religieux par la bonne compréhension. Nam wa khassatan a'immatul kibar. Minhum al-imam Malik. Donc ce n'est pas parce que tu rajoutes que c'est forcément bien, que c'est forcément agréé auprès d'Allah. Il faut toujours regarder est-ce que l'acte est en conformité avec la législation d'Allah, barakallahu fikoum. Donc, la première sorte d'exagération, c'est celle-là. Shaitan, il va y faire en sorte qu'il sorte de l'obéissance d'Allah en lui faisant faire des choses en plus, d'accord, qui ne sont pas légiférées. Comme par exemple qu'il a rajouté une unité de prière, ou bien qu'il jeûne tout le temps, même les jours où il est interdit de jeûner. Non, il y a des jours où c'est interdit de jeûner. Comme Yom al-Eid. On ne jeûne pas Yom al-Eid. Le prophète a interdit Yom al-Eid de jeûner. De même, Ayyam al-Tashriq, les trois jours après l'Eid. Allah, il a interdit de jeûner. Ayyamun aqlin wa shurb. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des jours où on mange et on boit. Donc, on ne jeûne pas ces jours-là. Spécifier le samedi comme un jeûne sur réogatoire, c'est interdit de jeûner ce jour-là. Non, les frères. Donc, il y a des jours, c'est interdit de jeûner. Lui, il dit, non, je jeûne. Je jeûne ces jours-là pour me rapprocher d'Allah. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est sorti de l'obéissance d'Allah. Non, les frères? Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Il sort du statut de serviteur obéissant. La deuxième, une autre sorte, qui fera qu'on ait peur qu'il arrête son adoration religieuse. Non, et qu'il s'en lasse. Il va faire beaucoup d'actes, mais au final, on a peur pour lui qu'il s'en lasse, comme le fait de se lever pour prier la nuit, par exemple. Shaitan, il va lui dire, prie, lève-toi la nuit, fais. Au final, ça va lui paraître difficile, tout le temps comme ça, il va délaisser, d'un coup. Au lieu de faire ça progressivement, d'habituer son nefs, son âme, à faire ça progressivement, ne fais pas d'un coup comme ça, tous les jours. Fais une fois par mois, puis deux fois par mois, puis une fois toutes les semaines, puis deux fois toutes les semaines, etc. Prends un rythme régulier, jusqu'à ce que Allah te donne la capacité de pouvoir augmenter, progressivement. Mais Shaitan lui dit non, fais tout de suite. Jusqu'à ce qu'au final, on a peur qu'il délaisse. Et la chute va être terrible. Donc, il dit, comme le fait de se lever pour prier toute la nuit, ou bien jeûner tout le temps en dehors des jours interdits. Donc lui, il ne jeûne pas les jours qui sont interdits, mais il jeûne toute l'année. mis à part les jours interdits. Lui aussi, on a peur qu'il délaisse ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est préjudiciable, bien sûr. Vous avez compris ça, les frères? C'est deux sortes d'exagérations, donc il faut faire attention. Il y en a une qui ne le fait pas sortir de son statut de quelqu'un d'obéissant, mais on a peur pour lui. Et il y a l'autre qui a dépassé. Shaitan, il l'a roulé dans la farine, comme on dit. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في أدب المفرد وأحمد في المسند donc d'après ابن عباس قال لغري lui et son père qui a dit, on questionna l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on lui dit, quelle est la religion préférée d'Allah? Et il répondit, El Hanifiyatu Samha. En fait, il a dit, la religion préférée d'Allah, El Hanifiyatu Samha. Il faut comprendre ce par religion, la façon dont tu vas adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, ceci est un hadith bon, Hassan, qui a été rapporté par Ahmed et qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Ce hadith-là, il est clair, il montre clairement que Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré la juste mesure et la pondération dans toute chose. Pourquoi ? El-Hanifiyya, brièvement, ça veut dire quoi el-Hanifiyya ? El-Hanifiyya, c'est la voie et la religion sur laquelle était Ibrahim. Naam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ حَنِيفًا الحنيف c'est quoi الحنيف ça vient de الحنف الحنف هو الميل الحنف c'est la déviation الميل ou le penchant vers quelque chose الحنيف c'est la personne qui va être droite sur la religion d'Allah c'est-à-dire que son cœur il va pencher vers Allah تبارك وتعالى sur le tawhid et en même temps il va s'écarter du shirk. D'accord ? Il regroupe ces deux sens-là. Donc la religion, al-Hanifiyya, la religion d'Islam, elle est comme ça. Nous l'avions déjà vu à maintes et maintes reprises. Le tawhid, mes frères, la ilaha illallah, c'est une affirmation et une négation. L'affirmation de l'adoration d'Allah, s'allier avec lui et s'allier avec les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que ton cœur, il soit vers Allah, vers la religion d'Allah, qu'il s'allie avec les alliés d'Allah. Et en même temps, c'est un désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Un désaveu des mouchriquines, des associateurs, de leurs actes d'associationnisme et de polythéisme, et de tous ceux qui s'allient avec eux. Donc, el-Hanifiyya, cette religion, elle se caractérise par ça, c'est l'islam. C'est la seule religion qui a ces caractéristiques. Non ? L'alliance est là, et l'alliance avec Allah, avec les croyants, avec le tawhid, naam, et le désaveu de tout ce qui vient s'y opposer. Ça, c'est le hanifiyya. Al-samha, ça vient du terme al-samaha. Al-samaha, al-suhulatu wal-yusr. Al-suhulatu wal-yusr. Al-samaha, ça veut dire la facilité, naam, dans toute chose. Le prophète nous dit quoi? La religion préférée d'Allah, ou la façon d'adorer Allah, c'est quoi? C'est justement d'être droit sur sa voie, et d'être écarté de tout ce qui s'y oppose, le shirk, les polythéistes et tous ceux qui, non, et tous ceux qui s'allient avec eux. Et enfin, al-samha, la facilité. La religion est simple, mes frères. Yuridu Allahu bikumu al-yusra, wa la yuridu bikumu al-usra. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Mais mes frères, comment reconnaît-on qu'une chose est facile ou est difficile? Est-ce que cette chose ou ce jugement doit être porté selon les raisons des êtres humains? Selon les avis d'un tel et un tel? Ou alors, c'est par rapport à ce qu'Allah a rendu facile et ce qu'il a rendu difficile? C'est par rapport aux critères divins et prophétiques. Naam, ce qu'Allah a dit, ce qu'Allah a déclaré comme étant facile, c'est facile. Ce qu'Allah a déclaré comme étant difficile, c'est difficile. Même si une chose qu'Allah a rendue facile, les gens la trouvent difficile, qui est dans l'erreur? C'est les gens ou c'est Allah qui s'est trompé? C'est les gens qui se trompent. Donc, une chose est facile dès lors qu'Allah dit qu'elle est facile. Naam. Et une chose est difficile dès lors qu'Allah dit qu'elle est difficile ou qu'il la déclare difficile. Donc Allah, quand il nous a légiféré 5 prières par jour, ou le mois du Ramadan, ou le pèlerinage, ou le djihad fi sabilillah, les gens trouvent ça difficile. Mais est-ce que c'est difficile au final? Non, c'est facile. Pourquoi? Car si c'était difficile, Allah ne nous l'aurait pas légiféré. Vous avez compris les frères? Non. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne surcharge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Si Allah nous a ordonné, prescrit des lois religieuses, il sait que c'est en notre capacité de les accomplir et de les faire. Et si Allah nous a interdit des choses, c'est qu'Allah sait pertinemment, de par sa science parfaite, qu'on est capable de les éviter. Naam, les frères? Donc, il faut bien avoir cette référence, là, qui est la référence divine et prophétique. Naam. Donc, ce hadith, il montre clairement que la religion, elle est facile. Naam. El hanifiyatu samha. Wa samhatu min as-samahati as-suhulati wal-yusr. Naam, les frères, vous avez compris? Donc, le prophète avait dit quoi, à cette fois? Il a stas'aba. شخص أو رجل أمرا ماذا يقول يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Lorsqu'une personne elle trouve une chose difficile, vous trouvez cette doua dans Hisn al-Muslim, dans la citadelle du musulman. Lorsqu'une personne elle trouve une chose difficile, c'est possible, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit avoir le réflexe de demander à Allah qu'il l'aide. Iyaka na'budu wa iyaka Nasta'in, c'est toi qu'on adore et c'est toi dont on implore l'aide pour nos actes d'adoration quotidiens. Donc qu'est-ce qu'il dit cette personne? Il dit, ô Seigneur, il n'y a pas une chose facile que celle que tu as rendue facile. Et tu mets certes la difficulté dans une chose lorsque tu souhaites la facilité au final. Lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il veut rendre une chose facile, il la fait précéder par une difficulté. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra wal usra la taghribu yusrain comme a dit Ibn Abbas. La difficulté ne vaincra jamais deux facilités. Taïb, vous reviendrez au verset coranique et la réitération de ce verset coranique pour comprendre ce que je viens de dire et pour comprendre la parole d'Ibn Abbas. Naam. La difficulté a été citée une seule fois. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par alif et wallam, ta'rif. Elle est définie. Al-usra. Amma al-yusr, il est indéfini. Naam. Et il a été cité deux fois. Donc il y a deux facilités pour une difficulté. Donc au final, on est gagnant dans tous les sens. Naam. Et Allah, quand il veut la facilité pour nous, il la fait toujours précéder par une difficulté. Donc ne soyez jamais enclin à ce qu'on appelle le futur ou le tawani, c'est-à-dire à la nonchalance, à la lassitude. Au contraire, si vous voyez une chose qui est difficile, sachez qu'Allah veut d'ailleurs pour vous la facilité. Et faites cette dua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hasna idha shi'ta sahla. Lorsque tu veux la facilité, tu la fais précéder par une petite difficulté. C'est pas une grande, c'est une petite, qui est surmontable, inshallah ou tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris les frères? Taïb. Un peu plus loin dans le livre, quelque chose qui est très important. Nous avions dit au début du cours que l'islam est une religion de juste milieu parmi les autres religions. De même que les gens de la sunna, la voix des gens de la sunna sont une voix de juste milieu parmi les sectes. On va expliquer ceci en résumé. Yaqulu al-mu'allif. Awalan, al-islamu wasatun fil anbiya. L'islam est une voie de juste milieu concernant les prophètes, d'une manière générale. Baina man ghala fihim kal nasara wa baina man jafahum kal yahud bi an amanu bihim kullihim ala al wajh al la'iq bi dhalika. Donc c'est la page 357, en haut de la page. Non? Donc il dit la religion d'islam c'est une voie de juste milieu concernant les prophètes. On n'est pas dans l'exagération comme l'ont fait les chrétiens, ni dans la négligence et le détournement et la dureté et la rudesse comme les juifs. Effectivement, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, les chrétiens ont exagéré concernant les prophètes. Ils ont divinisé Isa ibn Maryam, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, « قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أترت النصارى عيسى بن مريم فأنا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Ne m'élevez pas au-dessus de ma position, au-dessus de mon statut, comme les chrétiens ont élevé Isa ibn Maryam jusqu'à le diviniser. Mais je ne suis qu'un serviteur. Dites Abdullah wa Rasulu. Dites serviteur d'Allah et envoyé d'Allah. Ne dépassez pas cette limite. Pourquoi le prophète a dit ça? Si on revient au contexte du hadith, des gens commençaient à dire le prophète est le fils d'Allah. Mohammed est le fils d'Allah. Ils commençaient à dire ça. Non? C'est eux qui n'avaient pas encore la foi ancrée dans le cœur. Donc le prophète a fermé la porte directement et a dit, ne dites pas des choses comparables à ceux qu'ont dit les chrétiens et qui se sont égarés avant vous. Non. Donc les chrétiens, ils ont exagéré. Râla fil anbiya. Amma al-yahoud fil muqabil, jafaou al-anbiya. Ils ont fait preuve de dureté, de rudesse envers eux. Regardez comment les Bani Israël, non, étaient durs envers Moussa. Non, c'était dur envers lui. Allah il dit tabaraka wa ta'ala concernant ces gens-là, falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Et pourquoi avez-vous alors tué les prophètes avant si vraiment vous êtes croyants? Ils ont tué certains des prophètes. Ils ont été à l'opposé. Non, amma les gens de la sunna et des musulmans du manière générale, alhamdoulillah. On respecte les prophètes, on les met au rang qui est le leur. On leur doit écoute et obéissance. Ils ont un degré que les gens n'ont pas. Ils ont reçu la révélation, ils ont été choisis par Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais on n'est pas là à les diviniser non plus et les mettre à un degré qui n'est pas le leur. Donc, l'islam est une voie intermédiaire concernant les prophètes. Wa wasatun fi sharia, concernant aussi la législation. La tajdidat al-yahud wa asarahum. وَلَا تَهَاوُنَ النَّصَارَى. On n'est pas aussi dans la dureté et les carcans et les difficultés des juifs lorsqu'ils appliquent leurs lois religieuses. La religion, elle est dure. Et ça, c'est une punition d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car ils ont été durs envers leurs prophètes. Allah les a châtiés en leur rendant la religion difficile. Non plus dans le laxisme dont font preuve les chrétiens, qui se permettent toutes sortes de choses, qui font du haram et qui disent au final, mais de toute façon, il y a la rédemption. Nos péchés sont pardonnés par le sang du Christ. Et ils font la fornication, et ils volent, et ils chantent, et ils sont dans toutes sortes de choses préjudiciables et immorales. Mais pour eux, c'est pas grave, puisque le Christ est mort pour nos péchés. Hada tahawun kabir, zahir. Non, c'est un laxisme flagrant et probant, notoire. Amma les gens d'islam, les musulmans, ils sont sur une voie de juste milieu. Il n'y a pas de difficulté notoire dans la religion d'islam, mais aussi Allah, à contrario et à l'opposé, nous demande de faire preuve d'un certain respect par rapport aux règles religieuses, d'un certain suivi, l'application des lois religieuses. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir révélé des lois religieuses si au final, le simple fait de dire « je suis croyant », ça me donne une garantie et un passeport pour le paradis? Quel est alors l'intérêt d'avoir légiféré toutes sortes de lois? Justement, toutes ces lois religieuses, elles viennent parfaire la foi du croyant. Donc, elles sont très importantes. Ils sont aussi, les gens de l'islam, dans une position intermédiaire concernant la purification rituelle. Et concernant les nourritures, naam, non pas comme les juifs, qui eux, leur prière n'est valide que dans leur synagogue et leur temple. Ils n'ont pas le droit de prier dehors, ni dans les mosquées, ni dans les églises, ni dans les lieux publics. Et à l'opposé, les musulmans, eux, alhamdoulilah, Allah leur a facilité la prière dans tous les endroits, à condition que l'endroit n'a pas de najasat, n'a pas d'impureté et de souillure. Les chrétiens, eux, prient dans des endroits même impurs. Peu importe. Ils ne prêtent aucune attention à la pureté rituelle lorsqu'ils vont dans leurs églises ou lorsqu'ils font leurs actes d'adoration. Ah, mais les musulmans, alhamdoulilah, ils sont dans une voie intermédiaire. Kazalika fima yakhussu باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين الممثلة. Les gens de la Sunna concernant maintenant les noms et les attributs divins. Là, on parle des gens de la Sunna. Ils sont dans une position médiane concernant les noms et les attributs divins. Non pas comme ceux qui ont renié les attributs divins, comme Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya ou Al-Asha'ira, qui ont renié certaines sifat, en disant que Allah n'a pas tous ces attributs par lesquels il s'est défini dans le Coran ou à travers la Sunna. Regardez ce que disent la secte des Mu'tazila. Ils disent que Allah est le clairvoyant qui n'a pas de clairvoyance. Allah est le savant qui n'a pas de science. Allah est celui qui est capable, mais sans être capable. Nam yuthbituna al-asma'a duna sifat. Ils affirment les noms en dehors des attributs. Inna Allah alimun bila ilmin, wa qadirun bila qudratin, wa basirun bila basar, wa halimun bila hilmin, wa rahmanun wa rahimun bila rahma, wa ghafurun wa ghaffarun bila maghfira. Ila ghayri dhalika min al-khuza'balat. Naam. Ils disent ces choses-là. Al-Jahmiya, ils renient les noms et les attributs. C'est comme s'ils adoraient le néant. Ou Al-Asha'ira, ils acceptent certains attributs, ils en rejettent d'autres. Tout cela, ils font partie de la famille des Mu'attila, des négationnistes. Ça, c'est un extrême. De l'autre côté, on a ceux qui ont été assimilés à Allah, à ses créatures. Al-Mumathila. Naam. Ils disent que Allah ressemble à ses créatures. Naam. En tout point. Ou dans certains aspects. Ou alors ils assimilent certains actes d'Allah aux actes des créatures. Mais les gens de la Sunna, par la grâce d'Allah, sont sur une position médiane. Naam. On affirme les noms et les attributs d'Allah comme ils ont été rapportés dans le Coran ou à travers la Sunna, sans en altérer le sens, sans les renier, sans non plus assimiler les attributs d'Allah à ses créatures et sans non plus chercher le comment. Ou définir un comment. Non? Et on n'est pas là non plus à assimiler Allah à ses créatures. Donc vous voyez qu'on est dans une position médiane concernant les noms et les attributs d'Allah. De même, on est dans une position médiane concernant le destin entre la secte d'El Jabriya ou El Qadariya. El Jabriya, qu'on pourra dire en français les fatalistes. C'est ceux qui disent tout est déjà écrit, tout ce qu'on fait, c'est Allah qui nous oblige à le faire. On n'a pas de libre arbitre. Donc, si je dois aller en enfer, c'est Allah qui m'a obligé à y aller. Si je dois aller au paradis, c'est Allah qui m'a obligé à y aller. À l'opposé, on a Al-Qadariya, qui rejette plus ou moins en partie le destin. Ils disent non. L'homme, il a son libre arbitre. Et certains même, ils ont été dire que Allah ne sait pas ce qu'on va faire. Que à partir du moment où l'acte il a été fait. Rien n'a été écrit. Naam. La qadar wal amru unuf. Il n'y a pas de destin et chaque chose est nouvelle. Naam. Il n'y a pas de prédestiné qu'Allah a écrit dans la table gardée. Mais chaque chose est nouvelle. Elle n'a pas d'antécédent. C'est-à-dire, c'est comme si c'est lui qui crée son acte. Donc, entre ces deux opposés, on a qui? Les gens de la sunna. Ils disent oui, Allah a écrit toute chose. Naam. Le destin est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne peut faire une chose sans qu'Allah ne l'ait permise et ne l'ait voulu. Ça ne fait aucun doute. Mais Allah, en contrepartie, a attribué un libre arbitre à la personne. Et c'est sur ce libre arbitre que les personnes seront jugées le jour du jugement. Et ne jamais poser la question. Mais pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a donné un libre arbitre? Et en même temps, il sait qu'il va aller au paradis, qu'il va aller en enfer. Ne pas poser ce genre de questions. On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait ça. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait ceci, mais par contre, c'est eux qui seront questionnés. Donc, ce qui nous est demandé, mes frères, concernant ce sujet-là, c'est d'agir en conséquence, d'accord? Et si tu agis en conformité, Inch'Allah, tu auras la bonne nouvelle, la bonne annonce du paradis, Inch'Allah. Et tu sauras au final qu'Allah t'avait prescrit le paradis. Et si tu agis en non-conformité, tu agis contrairement à la sunna du prophète et au livre d'Allah, la sunna du prophète, et que tu es destiné à l'enfer, qu'Allah nous en préserve, alors là, tu sauras qu'Allah t'avait prédestiné l'enfer de par les actes que tu auras fait et que tu auras commis, contraire à la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, la voie des gens de la sunna, c'est une voie de juste milieu. On accepte qu'Allah, il a écrit toute chose, et en même temps, on reconnaît au serviteur qu'il a un libre arbitre. Non, les frères? Pour finir, il y a aussi la voie de juste milieu concernant les compagnons, concernant la foi, etc. Revenez au livre de Aqida pour apprécier un petit peu ce qu'on appelle Al-Wasatiyya, c'est-à-dire cette voie de juste milieu sur laquelle cheminent les gens de la sunna et du groupe. Pour finir, à la fin du chapitre, le Mu'allif ramène une parole de Hafid al-Hakami que je vais expliquer car elle est très importante. Yaqul, Hafid al-Hakami, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yaqul, فَلَا تُفَغْرِطْ وَلَا تُفْرِطْ وَقُنْ وَسَطًا وَمِثْلَمَا أَمَرَ الرَّحْمَنُ فَاسْتَقِمِي سَدِّدْ وَقَارِبْ وَأَبْشِرْ وَاسْتَعِنْ بِغُدُوَّ وَبِغْرَوَاحِ وَأَدْلِجْ قَاسِدًا وَدُمِي فَمِثْلُ مَا خَانَتِ الْكَسْلَانَ هِمَّتُهُ فَطَالَمَا حُرِمَ الْمَنْبَتُ بِالسَّأَمِي. Je vais le traduire, mais je vais préférer l'expliquer, c'est beaucoup mieux, Inch'Allah. Ne sois pas laxiste, ni trop dur, mais sois dans une position intermédiaire. Comme le tout miséricordieux te l'a ordonné, sois sur la droiture, sur la rectitude. Agis en conformité à la sunna, ou rapproche-toi-y, et aie la bonne annonce et implore l'aide d'Allah de bon matin, ainsi qu'en fin de journée et dans la dernière partie de la nuit, avec la juste mesure, et sois persévérant. La volonté du paresseux le trahit aussi longtemps que la personne dont sa monture veut plus avancer sera touchée par le découragement. Regardez ce que dit ici Hafid al-Hakami. Il dit « Fala tufarrit wa la tufrit ». C'est le sujet du cours. « La tufarrit ». « At-tafrit », c'est le laxisme. Ne sois pas laxiste dans tes actes d'adoration. « Wa la tufrit ». At-tufrit wa la tufrit, al-ifrat, c'est l'exagération, c'est l'opposé. Ne sois pas comme ça, ni comme ça. Ne sois pas trop laxiste et ne sois pas trop dur. Wa kun wasata. Mais sois dans une position de juste milieu. Wa mislama amara ar-Rahman fastaqimi. Et comme te l'a ordonné le tout miséricordieux, sois sur la rectitude. Ceci nous prouve que la rectitude, la voie droite, c'est la voie de juste milieu. N'am les frères? Et ceci est un ordre du tout miséricordieux. Saddid wa qarib wa abshir wa sta'in bi ghudwi wa bi rawahi wa adlij qasidan wa dumi. Ça c'est relatif à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari où le prophète a dit saddidu wa qaribu, et dans la version de l'imam muslim wa abshiru, n'am, wa ghdu wa ruhu وشيء من الدلجة فالقصد القصد تبلغه. Donc le prophète il a dit saddidou. Saddidou ça veut dire quoi? Ça veut dire agissez en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min as-sadad, agissez en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qaribou, si vous ne pouvez pas le faire, essayez, faites tous vos efforts pour vous y rapprocher. Qaribu wa abshiru. Ça, c'est pas dans la version d'Imam al-Bukhari, c'est dans la version d'Imam muslim. Wa abshiru. Et la bonne annonce, ceux qui font cet effort d'être sur la voie du prophète ou de s'y rapprocher selon leur capacité, ils ont la bonne annonce. Fa abshiru. Walakin al-musaddid awla bil-bisharati min al-muqarib. Mais celui qui est sur la voie juste et qui a touché le juste, qui est vraiment en conformité, celui-là est plus en droit d'avoir la bonne annonce que celui qui s'en est rapproché seulement. Non? Mais les deux ont la bonne annonce, Inch'Allah. وَاسْتَعِنْ بِرُدُوْ وَبِرْرَوَاحِ وَأَدْلِجْ. Ça c'est très important mes frères. Il dit l'imam al-Hafid al-Hakami, toujours relativement par rapport au hadith du prophète, il a dit وَغْدُوْ الْغَدَى c'est le fait, El Roudou Afouane, c'est le fait de partir de bon matin, juste après le Fajr. Naam. Wagrawah, c'est le fait de partir en fin de journée, juste avant le Maghreb. Wa Ad-Dulja, c'est le fait de voyager le dernier tiers de la nuit, ou en fin de nuit. Ici, c'est une allusion aux trois meilleurs moments par lesquels on invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Le matin, après le Fajr, on fait les invocations du matin, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Azkar al-Sabah. Lequel d'entre nous fait Azkar al-Sabah régulièrement? Posez-vous la question. Puis, Rawah, Azkar al-Masa. Qui d'entre nous fait les invocations du soir entre l'Asr et le Maghreb? Posez-vous la question. Si vous ne le faites pas, lam tusaddidou. Vous n'avez pas été sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa adriju aw shay'un min ad-dulja kama ja'a fi al-hadith. Et une partie de la nuit ici, c'est une allusion à quoi? Qiyam al-layl fi thuluth al-akhir min al-layl. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. الله descend dans le dernier tiers de la nuit au ciel le plus bas. Pour quelle raison? Pour invoquer celui qui lui demande. Donc c'est un moment qui est propice pour les invocations. Mesdames les frères, donc voilà ce qui est voulu dans ce vers de poème. سدد وقارب وأبشر واستعين واستعين c'est-à-dire demande l'aide. Comment? Par la doua. Quand? بالغدوي وبالرواحي وأدلج. Quand? Le matin, le soir et une partie de la nuit. وقاصدا. Et ça c'est important ici. قاصدا. Où le prophète il a dit فالقصد القصد تبلغه القصد هي التوسط في كل شيء. C'est le fait d'être dans le juste milieu dans toute chose. Et le prophète, il a dit, la modération, et tu atteindras ton objectif. Al-qasda, al-qasda tablughu madha, al-maram, ou al-maqsoud, ou al-ghaya. Naam, les frères? Ce sont des injonctions prophétiques. Ce sont des ordres prophétiques. Donc, il a dit, Hafid al-Hakami, qasidan, et mutawassitan. Ne va pas dans l'exagération, dans tes actes d'adoration, dans tes invocations, dans toutes choses, et ne fais pas preuve de laxisme non plus. Wadoumi, et sois persévérant dans ça. Sois persévérant dans cette chose-là. Famithluma ranatil kaslana himmatuhu. El kaslan, mes frères, c'est qui? C'est le paresseux. Le paresseux, sa volonté, il veut faire beaucoup de choses, le paresseux. Quand il est sur sa chaise, il souhaite faire beaucoup de choses. Il veut faire ça, il veut faire ça. Mais dès qu'il est devant le fait accompli, qu'est-ce qui va le trahir? C'est sa volonté. Sa volonté, elle va le trahir et elle va le laisser tout seul, au dépourvu. Là, il n'a plus aucune volonté dès qu'il est devant l'acte à accomplir. C'est ce que dit ici Hafid al-Hakami. فَمِثْلُمَا خَانَكِ الْكَسْلَانَ مَذَا هِمَّتُهُ حَلَى. Donc ça, c'est une sifat, هَذِهِ خَسْلَةٌ مَذْمُومَ. C'est une sifat qui est répréhensible. On ne doit pas faire preuve de fainéantise, de nonchalance. نعم فطالما حرم المنبت بالسأم المنبت mes frères, c'est la personne qui était sur sa monture et qui voyage et en plein milieu du désert, il n'y a personne avec lui, sa monture elle veut plus avancer. Elle le laisse comme ça, elle veut plus avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de frapper sur le dos de la monture pour essayer qu'elle avance, mais elle veut pas avancer et au final il va se décourager. كما قال المتغرف المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا يبقى. Il dit, متغرف, سلف, il disait, المنبت, cet homme-là, qui est dans cette situation, لا أرضا قطع. Il ne va plus avancer et traverser les contrées. Il est bloqué, il est bloqué net parce que sa monture ne veut plus avancer. ولا ظهرا يبقى. Et son dos, même le dos de sa monture, il ne l'a pas épargné. À force de frapper. Naam, le frère. Donc ici, c'est une allusion ici. Hafid al-Hakami nous dit, il ne faut pas faire preuve de paresse. Et ici, il ne faut pas faire preuve aussi de lassitude dans les actes d'adoration. Mais au contraire, il faut jtahid. Taïb, aktafi bihad al-qadr. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. As-Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana. ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك